Sentir le devoir des visites le soir. Je me sentais impuissant. J'entendais tes pleurs de désespoir. Mais je n'étais qu'un enfant. J'aurais tant voulu pouvoir t'aider. Mais je ne pouvais rien faire. Quand celui qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. J'aimerais remonter le temps afin de sécher tes larmes. J'aurais réagi autrement si j'avais eu les armes. Je suis resté impuissant quand il salissait ton âme. Car je n'étais qu'un enfant qui priait qu'on le condamne. Quand il buvait moi aussi, je subissais ses coups. Mais j'étais quand même loin de me douter de tout. À l'école, on inventait des histoires pour justifier des contusions que l'on avait dans le cou. Si tu savais comme je m'en veux de l'avoir laissé faire, sachant que ton seul vœu fut qu'on entende tes prières. J'aurais dû faire de mon mieux. Après tout, j'étais ton frère, mais j'étais bien trop heureux de celui qui était mon père. Yeah. Quand il te rendait visite le soir, je me sentais impuissant. J'entendais tes pleurs de désespoir. Mais je n'étais qu'un enfant. J'aurais tant voulu pouvoir t'aider. Mais je ne pouvais rien faire. Quand celui qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Maintenant j'ai grandi et je m'en veux toujours. Car j'étais trop petit pour voler à ton secours. Pourtant sache qu'à tes cris je n'ai pas été sourd. À quoi que c'était écrit je n'avais aucun recours. Les murs semblaient si fins quand j'entendais tes pleurs. Combien de fois j'ai rêvé de le tuer de mes mains ma sœur. La seule chose qui me redonne le sourire, c'est de savoir qu'il doit vivre avec le poids de ses erreurs. Oui tu devais t'en appréhender le moment du coucher. Peut-être que tu te demandais s'il viendrait te toucher. Dans ce rapport forcé, il n'y avait pas d'équité. Alors tu as préféré en finir et nous quitter. Quand il te rendait visite le soir, je me sentais impuissant. J'entendais tes pleurs de désespoir. Mais je n'étais qu'un enfant. J'aurais tant voulu pouvoir t'aider. Mais je ne pouvais rien faire. Quand celui qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. Quand il te rendait visite le soir, je me sentais impuissant. J'entendais tes pleurs de désespoir. Mais je n'étais qu'un enfant. J'aurais tant voulu pouvoir t'aider. Mais je ne pouvais rien faire. Quand celui qui était censé t'aimer te faisait vivre.